foin, les filles de Paris déguisées en glamour, tartines de beauté, margarine d'amour. Je n'y tiens pas. Si ce n'était pour soigner mon petit libido, on n'en verrait jamais près de moi au dodo. Mais voilà, j'ai besoin d'être à Paris puisque je suis chômeur. À Paris, c'est payé beaucoup plus cher de l'heure. Sinon, va. Moi, les filles de Paris déguisées en glamour, tartines de beauté, margarine d'amour, je n'y tiens pas. Où es-tu, fille du pêcheur? Toi que j'appelais sirène, tu es reine de mon cœur, de mon cœur, tu es la reine. Je t'ai connu, souviens-toi, tu n'avais pas 15 ans, je venais à la mer avec mes parents pour l'été. Comme je t'ai trouvé jolie, j'ai voulu être aimable, et toi, petite sauvage, tu m'as jeté du sable. Méchanceté. Mais j'admirais ton papa qui avait un bateau, tu admirais mon papa qui avait une auto. Et bientôt, nous étions copains, copains comme chemise et cul. Et quand je suis parti, toi aussi tu as eu du chagrin. Où es-tu, fille du pêcheur? Toi que j'appelais sirène, tu es reine de mon cœur, de mon cœur, tu es la reine. Et depuis tous les automnes et même tous les hivers, quand une chose ou l'autre me rappelle la mer, serre les poings. Non, je n'étais pas bagarreur, je suis pas devenu, mais je veux garder le chaud de tes épaules nues dans mes mains. Oui, je veux garder le chaud de ta peau mordorée, du brillant de tes yeux et des reflets moirés de tes cheveux. Tes cheveux dégoulinants de perles d'eau salée, perles que sur ta peau d'un baiser je volais malicieux. Où es-tu, fille du pêcheur? Toi que j'appelais sirène, tu es reine de mon cœur, de mon cœur, tu es la reine. Tu avais promis, souviens-toi, que l'on se marierait, mes études finies lorsque je serai médecin. Médecin, c'est long, bien long, et pour me consoler, prenant un air distrait, tu me laissais cajoler les deux tiens. Mais quand je suis revenu à ce dernier été, prise d'un voyou, tu avais déjà quitté le midi. Ma foi, j'aime trop la mer pour te chercher ailleurs. Heureusement pour moi, il y a ta petite sœur qui a grandi. Elle est fille de pêcheurs. Tiens, je vais l'appeler sirène. Elle sera reine de mon cœur, de mon cœur. Elle est la reine.